Je vous laisse maintenant en compagnie de Bruno Guillon et Caroline Diamant pour la suite de votre journée sur RTL. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme. Bonjour à vous. Mais vous, et où étiez-vous alors le 12 juillet 1998 Mais sur les Champs-Élysées, bien évidemment. Moi à Grenoble. Et moi je travaillais. Bon, je ne demande pas à Caroline parce qu'à mon avis, je pense que c'était la seule personne qui ne s'intéressait pas au football. Non, deux. Si, mais j'étais pour l'Italie, je crois. Ça tombe bien, puisqu'on jouait contre le Brésil. Oui, c'est alors. Ça. Voilà ce que vous allez subir pendant une heure et demie. Il en faut bien. Jérôme, Caroline, je vous embrasse. J'en profite pour faire un bisou à Isabelle Morini-Bosque que je vois à la caméra aussi. À côté de vous. On vous embrasse. Vous bonne bien. Journée. Rendez-vous demain. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Ave ceux qui vont vous faire jouer, vous salue. Rentrez dans l'arène. L'arène du grand quiz de l'été où, avec une toge magnifique, étendue sur un petit lit douillet en dégustant des grappes de raisin, assis à côté de l'empereur Brunus, nous retrouvons Caroline Diamant. Bonjour Caroline. Bonjour, oui, c'est, je mange toujours le raisin allongé parce que quand on est debout, c'est pas drôle. Bien sûr. Et puis surtout, c'est ce qu'on voit sur la bande dessinée. La bande dessinée Astérix. Et oui, ce matin, une nouvelle fois, vous allez jouer avec nous au Standard RTL pour repartir avec des séjours au parc Astérix, séjours parc et hôtel pour vivre une expérience authentique en famille ou entre amis. Vous allez découvrir les 45 attractions et spectacles irrésistibles du parc. C'est un séjour pour 4 personnes. Des entrées pour les 2 jours au parc Astérix et pour jouer avec nous. Rien n'est plus simple, Caroline. Il suffit d'appeler. Ah oui, un téléphone, 3210 et hop, on est là. Ou alors vous préférez faire un SMS, pas de problème, vous envoyez RTL au 74 900 et puis vous pouvez aussi vous inscrire via les réseaux sociaux. Vous avez un magnifique hashtag, le plus beau d'ailleurs des hashtags qui existent en ce moment, RTL Quiz, quiz avec un seul Z. Je me suis réveillé ce matin, j'étais d'humeur badine, j'étais... La nature était belle, les oiseaux chantaient, je me suis dit je vais arriver dans le studio du grand quiz d'RTL ce matin et je vais jouer du piano. Mais peut-être pas très gai, celui-ci. Peut-être un peu trop rapide. Peut-être trop rapide. Peut-être ça. Ça, c'est bien. Ça, je peux le jouer à deux doigts, ça. Attaquons en musique ce matin. Votre matinée sur la première radio de France. Coldplay avec Clocks. Et dans 3 minutes, direction le parc Astérix. Bonne chance. Je l'ai jusqu'à la dernière note de piano, c'est important. Clox, Coldplay sur RTL. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et quel plaisir d'accueillir Annie qui va être notre première candidate du grand quiz de l'été. Bonjour Annie. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Annie, bienvenue sur RTL. Oh merci, merci. Je suis ravie d'être avec vous. Et ben vous savez quoi, ça s'entend. Ce moment. En plus, 12 juillet aujourd'hui, je parle plus à Bruno qu'à Caroline. Il y a 20 ans Bruno. Hein. Oui, ben oui. Il y a 20 ans. Ah oui, c'est pour ça, hein? C'est parce que moi j'étais pas née il y a 20 ans. C'est pour ça que je parle plus à Bruno. Il y a 20 ans. Vous étiez où il y a 20 ans pour la victoire de l'équipe Alors, de France? Bruno et Caroline, je vais vous raconter deux secondes. Ma fille, ayant épousé un militaire qui était en zone de guerre, est venue chez nous à Saint-Nazaire parce qu'elle voulait accoucher à Saint-Nazaire. Oui. Le 12 juillet, il y a 20 ans, on a cru qu'elle allait accoucher dans la mesure où elle a tellement encouragé les Bleus ce soir-là. Vous voyez? Elle a eu des contractions, on a cru qu'elle allait accoucher. Et finalement, elle a accouché le 25 novembre. Maxence est né les mêmes chiffres, mais à l'envers, c'est-à-dire il est né le 21 juillet. On va fêter ses 20 ans. D'accord. Et donc, est-ce qu'il s'appelle Zinedine? Non, il s'appelle Maxence. Hein, il a deux sœurs, Madeleine et Maëlys. Très bien. Eh bien, peut-être que c'est eux qui auront la chance de partir au parc Astérix avec vous, Annie. Imaginez trois petits-enfants avec une mamie au parc Astérix. Et moi, je trouve que c'est bien, ça. Vous savez quoi, je trouve ça... J'ai l'image sous les yeux, je trouve ça magnifique. Voilà, c'est génial. Vous nous voyez entrer, là, c'est bon, là. Exactement. On arrive, là. Alors, justement, c'est ça le problème, c'est que... vous êtes devant l'entrée du parc Astérix. Voilà. Maintenant, il faut que il ce parc s'ouvre. Et pour s'ouvrir, il va falloir donner des réponses aux questions que Caroline va vous poser en direct sur RTL. Alors Caroline, je compte sur vous. Hein. Moi, je les pose les questions. Vous savez, c'est pas grand-chose à faire. Vous. Juste le temps d'une petite pause, Annie, juste après ça. Belle matinée sur RTL. Chez Leclerc, nos forfaits mobiles s'appellent Réglo. Et ils le sont vraiment. Un forfait avec appel, SMS, MMS illimité et 20 gigas d'Internet, c'est réglo. Tout ça pour 9,95€ par mois sans engagement, c'est super réglo. Et la possibilité de faire appel à un vrai service client en magasin, là, c'est carrément réglo. Mobile. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur réglomobile.fr. Offre soumise à conditions, consultables sur le site. Leclerc. Cet été, embarquez pour l'île au secret avec Michel Bussy. Découvrez son nouveau roman, Sans famille. Pour le magazine Elle, un pitch insensé, des personnages touchants et un dénouement génial. Pour Grazia, un diabolique jeu de piste. Sans famille, le roman de l'été. Sans famille de Michel Bussy ou Presse de la Cité. Sir Edwards, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais riche et complexe, et qu'il aurait été issu d'un assemblage minutieux des meilleurs grains. Ou bien, est-ce le whisky, Sir Edwards? Sir Edwards, Sir of Scotland. Nouveau, Sir Edwards Smoky, légèrement tourbé, intensément écossais. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Le grand quiz de l'été sur RTL. Et Annie qui va jouer avec Caroline. Caroline vous pose les questions pendant une minute. Annie, durant cette minute, vous tentez de donner un maximum de bonnes réponses. Si vous avez 10 bonnes réponses et qu'en plus ces réponses sont d'affilée, vous aurez un chèque de 1000 euros. C'est vous qui allez établir le score à battre d'ici 10h15. Est-ce que vous êtes prête, chère Annie? Quel challenge! Vous êtes prête? Je suis prête. Si vous ne savez pas, vous passez. Attention, top chrono, c'est parti. À quel ustensile de cuisine compare-t-on une personne qui chante faux? Une casserole. Quelle capitale européenne est dominée par le Parthénon? Athènes. Quel animateur présente l'émission Le Village préféré des Français? Stéphane Bern. De quel animal dit-on qu'il a 9 vies? Le chat. Quel est le prénom du petit ami de Barbie? Ken. Quelle chanteuse veut qu'on la laisse kiffer la vibe avec son mec? Je passe. Sur quel continent les montagnes de l'Atlas sont-elles situées? Afrique du Nord. Quelle sauce à base de tomates et de viande hachée accompagne les pâtes? Bolognaise. De quelle célèbre rédactrice de magazine s'inspire le personnage de Miranda dans Le Diable s'habille en Prada? Je passe. Comment appelle-t-on un vers de poésie qui compte 12 pieds? Je passe. Par quelle épreuve débute un triathlon ? La course à pied. Quel est le nom du dessinateur historique d'Astérix ? J'ai pas compris la question. Et c'est vrai qu'elle a un petit peu fourché, donc elle va la refaire et si vous avez la bonne réponse, on vous la donnera. Quel est le nom du dessinateur historique d'Astérix ? Uderzo. Oui, Albert Uderzo. À qui l'on doit Astérix et Obélix, sans oublier, bien entendu, la patte de René Goscinny. Bien sûr. Pour les histoires magnifiques, Astérix et Obélix. Bon, alors, ça se passe pas mal. Ça se passe pas mal, Annie. Ça se passe pas mal, ça se passe pas mal. J'ai eu des doutes. En fait, ça a très bien démarré et au moment où il a fallu kiffer la vibe, là, ça s'est un peu moins passé. Ah oui, je suis comme Caroline, je parle très bien anglais. Quelle chanteuse veut qu'on la laisse kiffer la vibe avec son mec ? Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Elle a presque mon nom. C'est Diams, la chanteuse Diams. Diams. Et on sait que... Je l'ai oubliée, elle s'est fait oublier et aussi, alors, mais elle-même. Ça me dérange pas de me faire insulter, Annie, mais en l'occurrence, moi, je parle très bien l'anglais. Et alors, vous ne savez peut-être pas que cette chanson, c'est un sample de Dean Martin. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hey. Ah oui, c'est un vieux disque, ça saute, c'est normal. Bon, on a eu l'Afrique, ça c'était bon. C'est Anna Wintour, la rédactrice de magazine qui inspire le personnage de Miranda dans Le Diable s'habille en Prada. Ah, en Prada. Ah oui. On a eu l'adaptation au ciné avec Anna Taoué de mémoire. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Andy Sachs. J'ai récemment eu mon diplôme à Northwestern University. Et que faites-vous ici ? Eh bien, je crois que je pourrais convenir pour ce poste d'assistante. Donc vous ne lisez pas Runway ? Non. Et avant aujourd'hui, vous n'aviez jamais entendu parler de moi ? Non. Et vous n'avez aucun style, aucun sens de la mode ? Eh bien, je crois que ça dépend de ce que vous entendez. Non, c'était pas une question. Ah. L'alexandrin, c'est ce vers de poésie qui compte 12 pieds, séparé en son milieu par la césure, la fameuse césure à l'hémistiche. Et enfin, la natation, c'est avec cela qu'on débute une épreuve de triathlon. Alors, ok. D'après vous, combien de bonnes réponses avez-vous donné, Sharon ? 5 peut-être. Vous je ne sais pas compter, Bruno. Vous dites 5, et bien vous savez quoi ? Moi, je vous dis... 8. Ah, 8. C'est pas mal du tout. C'est pas un score fabuleux. Attendez, c'est vachement bien. 8 bonnes réponses, c'est pas mal. Est-ce que ce sera suffisant, réponse tout à l'heure, 10h15. En tout cas, là, pour l'instant, je vous offre une montre RTL, d'accord ? Super, Bruno. Je peux faire un petit coucou à mes petits-enfants, Maxence, Madeline et Maëlys. Je les embrasse, je les aime. Hein, bien sûr, leurs parents, Lolo et Seb aussi. Eh bien, vous savez quoi ? C'est fait. On vous embrasse et peut-être à tout à l'heure, Annie. Merci, Bruno et Caroline. De rien. Merci beaucoup. Annie, merci. Le nouvel album de Paul McCartney s'appelle Egypt Station. Il sortira le 7 septembre. Mais voici le premier extrait. I Don't Know sur RTL. I got crows at my window. Dogs at my door. I don't think I can take anymore. What am I doing wrong? I don't know. My brother told me life's not. But that was right when it started. Le grand retour de Paul McCartney à l'instant sur RTL. I don't know. Bonne matinée et bel été en compagnie d'RTL. Bonjour, c'est Alba Ventura. De la détente, du soleil, des souvenirs, c'est tout ce que je vous souhaite pour passer un bel été sur RTL. Leclerc. Papa, viens voir, pour les vacances, on a un Leclerc Drive pas loin de la location. Fais voir. Ah ouais, ça c'est génial. On va pouvoir faire les courses depuis la plage, j'adore l'idée. On peut même les faire avant de prendre la route, comme ça t'arrives et paf, les courses sont faites. Trop fort. Profitez pleinement de votre été en commandant vos courses du quotidien directement sur votre lieu de vacances, sur l'application Leclerc Drive ou sur leclercdrive.fr. À retirer dans l'un de nos 650 drives. En quelques clics, les mêmes prix qu'en magasin, on optimise les vacances. Et si en plus t'envoies maman récupérer les courses? Non mais ça va pas toi. C'est quoi cette bouteille verte, papy? Ça, c'est la nouvelle bouteille de gaz BioTwinny de Primagaz. Je pense à ton avenir tout en cuisinant mes brochettes au barbecue. Ah, c'est pour ça qu'on dit refaire le monde autour d'une bonne bouteille alors? Exactement. BioTwinny, une exclusivité Primagaz Next dans votre point de vente habituel. Informations et conditions de l'offre sur primagaz.fr. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Picard. La détente au bord de l'eau. L'onctuosité de la crème glacée vanille. La douceur de la mangue ou la fraîcheur du sorbet citron. Je ne sais pas vous, mais moi, je vais avoir du mal à résister. Jusqu'au dimanche 15 juillet, pendant les jours fondus de glace, profitez du deuxième produit à moitié prix avec la carte Picard et moi. Picard, chaque jour un goût nouveau. Remise effectuée en caisse sur la moins chère des deux parmi une sélection de glaces. Voir conditions en magasin sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. RTL, le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Le parc Astérix vous ouvre ses portes tout au long de cet été. Vous gagnez bien entendu vos passes, vos séjours en famille au parc Astérix. Nous avons eu Annie tout à l'heure et maintenant c'est Marie-Madeleine qui vient nous rejoindre. Bonjour, bonjour Marie-Madeleine, bienvenue sur RTL. Bonjour à vous deux. Bonjour Marie-Madeleine, bienvenue. Comment allez-vous? Ça va. Est-ce que vous avez déjà pris les vacances ou est-ce que c'est bientôt? Ah, pas encore. Mais j'habite à Château-Renard de Provence, donc je suis toute l'année en vacances. Oui, avec c'est le magnifique. Soleil. D'accord, je ne connais pas, mais je suis sûre dans que les c'est Bouches magnifique. Du Rhône. Ah oui, oui, je vois où c'est. Juste à côté d'Avignon. Ah oui, effectivement. C'est très joli. Non, mais je connais Avignon. Oh, arrêtez quand même. Je vois que vous avez eu des enfants très jeunes, donc vous avez trois filles. Non. Un garçon qui a 40 ans et deux filles, 35 et 18. D'accord. Est-ce que vous avez déjà la chance d'avoir des petits-enfants, peut-être, pour vous accompagner au parc Astérix? Trois petits-enfants. Très bien, c'est le compte parfait. Une mamie et trois petits-enfants. Voilà, c'est pour eux que je joue, d'ailleurs. Parfait. Nickel. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de battre le record qui a été de 8 bonnes réponses ce matin. Je vais vous laisser gentiment entre les mains de Bruno. Mais bien sûr, laissez-moi Marie-Madeleine entre les mains. Qui va vous mitonner aux petits oignons un petit questionnaire magnifique. Bon, Marie-Madeleine, allez, on y va pour une minute. Je le redis, mais c'est important. Si d'aventure vous hésitez, le mieux c'est de passer. Ça vous permet d'avoir la question d'après qui sera sans doute plus simple et vous permettra de comptabiliser un maximum de points. Caroline vous l'a dit, 8, c'est le score à égaler ou battre. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Marie-Madeleine, top chrono. Qui a peint l'autoportrait de Rembrandt? Lui-même. Quelle partie d'une maison le couvreur répare-t-il? Le toit. Qui a assuré le concert de la mi-temps du Super Bowl cette année? Passe. Quelle locution italienne désigne un chant sans accompagnement musical? Zut, passe. Quel entraîneur a amené la nageuse Laure Manaudou vers ses premières victoires? Petit. Comment s'appelle le rocher situé à la pointe de l'Andalousie? Gibraltar. Quel nounou de cinéma incarné par Julie Andrews vole dans le ciel avec un parapluie? Marie Poppins. En cosmétique, quel nom de fruit est donné au bâton de rouge à lèvres? Quel est le nom de jeune fille de Stéphanie de Monaco? Grimaldi. De quel animal mange-t-on la viande quand on déguste un onglet? Bœuf. Combien y a-t-il de joueurs par équipe sur un terrain de beach volley? 7. Quel nom porte l'avion dans lequel se déplace le président des États-Unis? Ouais, mais là. Force One. Oui, oui. Là, je peux vous dire que déjà, avant même que vous ayez fait le R, il y avait la mère Foura qui faisait. Elle faisait l'avion, justement, dans le studio. Marie-Madeleine. Allez, on va voir. Vous savez quoi? On va le poser tranquillement, cet avion, et on va prendre connaissance de vos bonnes réponses juste après ça. Belle matinée sur RTL. Prime Day est de retour le 16 juillet sur Amazon. Un jour et demi pour profiter de ventes flash incroyables. Tentez par un smartphone ou une valise, un barbecue, des produits de beauté ou une console. Vous trouverez des milliers d'offres sur des marques comme Microsoft, GoPro et Lego, toutes réunies au même endroit. Ne manquez pas Prime Day sur Amazon. Du 16 juillet à midi jusqu'au 17 juillet à minuit. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pas encore membre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Amazon Prime est gratuit pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis 49 euros par an. Voir conditions sur Amazon.fr. Alerte, forte chaleur, tous à votre bouteille de Saint-Yor. En buvant Saint-Yor quand il fait très chaud, vous faites le bon choix pour vous hydrater. Grâce à sa richesse exceptionnelle en minéraux, Saint-Yor est l'eau idéale pour votre corps pendant l'été. Avec Saint-Yor cet été, ça va fort, très fort. Bonjour, c'est Stéphane Rothenberg. Pékin Express fait son grand retour. 10 000 km à parcourir, de Bornéo à Tokyo, avec seulement 1 euro par jour. Des destinations de rêve, un défi de taille. Mais cette année, une règle va tout changer. La voiture ne suffira plus. Train, bateau, vélo, les moyens de transport vont se multiplier. La course va devenir infernale. Pékin Express, présenté par Stéphane Rothenberg, c'est ce soir à 21h sur M6. Avec RTL. Intermarché vous propose d'écouter une banane. Eh, ben c'est la gueule, monsieur. Les barrières de Wesselé, elle va là. Allez. Bon, pour ceux qui ne parlent pas banane, elle vous disait qu'il faut soutenir les producteurs français. C'est pourquoi chez Intermarché, pour les aider à vendre leur production au plus vite, les bananes françaises sont à 85 centimes le kilo. Et c'est seulement jusqu'à samedi. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété Cavendish, origine Guadeloupe ou Martinique selon approvisionnement. Et si on profitait d'un forfait à petit prix dans toute l'Europe? Moi, avec Orange, j'ai un forfait 30 gigas. Et moi, avec Orange, mon forfait 30 gigas est à seulement 9,99€. Bah, le mien, je peux l'utiliser en Europe pour faire des visios avec mes meufs. Ouais, avec ta mère et ta sœur, quoi. Pff, jaloux. Avec Orange, profitez dans toute l'Europe du forfait mobile Play 30 gigas à 9,99€ par mois pendant un an, puis 24,99€ pour clients open. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 22 août en métropole. 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients conservant leur numéro de mobile. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr. RTL. Le grand quiz. Le grand quiz de l'été. Et depuis, les Bouches du Rhône, elle est avec nous. Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, tiens, petite question. Souvenez-vous, il y a 20 ans. L'équipe de France est championne du monde. Oui. Oh putain. Vous étiez où il y a 20 ans, Marie-Madeleine? Alors, j'étais de communion. D'accord. Donc, mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'il y avait, il y avait un écran qui avait été installé juste avant le banquet oui, familial? Oui. Les hommes avaient fait ça. Ils avaient pris une télé et ils avaient amené la télé dans la salle. Eh ben c'est vrai qu'il pour faut s'adapter. Pas rater le match. Vous savez que ce week-end, il y a donc la finale de la Coupe du Monde. Ça va se passer en Russie. Oui, je vous tiens au courant. Peut-être que vous n'étiez pas au courant. Et alors, il y a un concert à Paris dimanche. Ah mais oui. De Beyoncé avec son chéri. Et ils ont décidé hier de retransmettre sur écran géant au Stade de France, puisque c'est là que va se dérouler le concert. Avant le concert, le match de l'équipe de France de football contre la Croatie, parce que forcément, les fans des artistes étaient dans un cruel dilemme. Ah bah oui, soit Beyoncé, soit autres, l'équipe de France. Et donc, du coup, ils vont joindre l'utile à l'agréable, comme vous l'avez fait lors de la communion de votre neveu. Bon, Marie-Madeleine, voilà. Revenons à nos moutons, si vous le voulez bien, avec le questionnaire que je vous ai posé il y a quelques secondes. Nous allons revenir sur vos différentes réponses avec Caroline. Bravo de ne pas avoir chuté sur l'autoportrait de Rembrandt. Vous avez vu, ceux qui écrivent nos questions sont des petits coquins, mais hein, ils sont un petit peu méchants. Alors, celui qui a assuré le concert de la mi-temps du Super Bowl cette année, c'est Justin Timberlake. D'accord. Bon, il a la voix aiguë, hein. À propos de voix, la locution italienne qui désigne un chant sans accompagnement musical, c'est a cappella. Alors, a cappella, voilà. Vous le savez, c'est donc Et c'est surtout dans les émissions de télé-réalité, des gens, quand on leur dit il va falloir chanter a cappella, qui répondent où ça exactement? L'entraîneur, je ne sais pas à qui vous pensiez quand vous m'avez répondu petit pour l'entraîneur de Laure Manaudou, mais il s'appelle Philippe Lucas. Je le voyais physiquement, mais je me rappelais plus de son nom. Ah, mais ça arrive. Et surtout quand on est stressé, qu'on a un minuteur qui se déroule. En cosmétique, le nom de fruit donné au bâton de rouge à lèvres. Les femmes le passent délicatement sur leurs jolies lèvres. C'est le raisin. Oh bah merde, c'est ce que je pensais, mais... Ah mais faut tout dire ce qu'on pense. Vous savez, c'est ce que Caroline fait en radio depuis maintenant plusieurs années, et regardez où ça l'a amené. Elle dit ce qu'elle pense. Il paraît que la place de PDG m'attend très bientôt. Vous avez retrouvé le nom de jeune fille de Stéphanie de Monaco, Grimaldi, mais on ne va pas se priver d'un petit flashback. Ah non. Flashback, c'était son deuxième titre. Alors, le nombre de joueurs par équipe sur un terrain de beach volley, vous m'en avez mis 7. Fois 2, ça ferait 14. En fait, ils ne sont que 4, visiblement. Exactement, 2 de chaque côté. D'accord. Bon, Marie-Madeleine. Il nous fallait 8 bonnes réponses pour être dans la course pour le parc Astérix. Aïe, aïe, aïe. Et à l'arrivée, vous en avez 6. Ce sera insuffisant pour le parc, mais suffisant pour recevoir une montre RTL que je vous envoie avec grand plaisir. D'accord, Marie-Madeleine ? Bon, merci pour la montre. Et je vous embrasse. J'en ai pas, justement. Ah, et ben, des baisers à vos petits-enfants et vos enfants. Passez une belle journée, Marie-Madeleine. Et à vous qui nous écoutez, eh bien, vous pouvez maintenant appeler le 3210. Dans moins d'un quart d'heure, premier séjour au parc Astérix de la matinée à gagner. Il reste un quiz avant de vous l'offrir. Et puis, il reste surtout les infos. Vous écoutez RTL, il est 10h. Le Flash avec Mélina Fachin. Bonjour Mélina. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 12 juillet 2018, il y a 20 ans, jour pour jour. La France devenait championne du monde de foot. Alors espérons que l'histoire se répétera dimanche 17h à Moscou. On connaît désormais notre adversaire, ce sera la Croatie, les flamboyants, c'est leur surnom. On battu hier l'Angleterre 2-1 aux prolongations. Emmanuel Macron assistera à nouveau à la rencontre depuis les tribunes et il profitera de ce déplacement pour rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine. Son histoire nous avait tous bouleversés il y a 6 mois. Naomi Musenga, 22 ans, était décédée après avoir lancé un appel de détresse au SAMU de Strasbourg. Hier, ses parents ont été reçus par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et l'enquête avance. Naomi serait en fait morte d'une intoxication au paracétamol, un médicament qu'elle aurait pris d'elle-même les jours précédant son décès à trop forte dose. Une information judiciaire va être ouverte pour non-assistance à personne en péril à l'encontre de l'opératrice du SAMU qui s'était moqué d'elle. Les deux frères qui avaient passé à tabac un couple de policiers en civil en Seine-et-Marne la semaine dernière ont été condamnés. 4 ans et demi de prison ferme pour l'un, 3 ans et demi pour l'autre. Et puis, le bilan des fortes pluies et des glissements de terrain au Japon ne cesse de s'alourdir. Au moins 199 morts pour l'instant. La bourse ce matin est en très légère hausse, plus 0,04%. Le CAC 40 s'établit à environ 5355 points. On part sur les routes du Tour de France. La 6e étape cet après-midi. RTL, Tour de France 2018. L'étape du jour, Laurent Jalabert avec Jean-Michel Rascol. Rebonjour Laurent Jalabert. Bonjour. La présentation de la 6e étape avec pratiquement 2 mots qui font peur, mur de Bretagne. Et mur déjà ça fait peur quand on est en vélo, mur ça fait presque mal aux jambes, vous voyez. Donc mur de Bretagne, on a juste peur de trébucher, de mettre un coup de casque dedans. Mur de Bretagne, on le connaît bien parce que le tour y est arrivé déjà il y a 3 ans. On avait vu alors la belle victoire de Alexis Buyer-Mauz qui s'était détaché dans le dernier kilomètre devant tous les cadors. Eh bien cette fois, les coureurs vont le grimper à 2 reprises. Cette étape entre Brest et Mur de Bretagne est longue de 181 km, moins dure que celle de la veille. Néanmoins, les difficultés sont concentrées dans le final, avec 2 ascensions du Mur de Bretagne. L'arrivée étant jugée au sommet, ça promet un final explosif. Et votre ami footballeur maillot jaune, est-ce qu'il peut être en danger sur ce terrain ? Écoutez, le maillot jaune, Greg Van Avermaet, a bien digéré la défaite de la Belgique la veille. Il s'est bien comporté en conservant ce maillot, et c'est vrai, avec autorité et maîtrise dans le dernier kilomètre de l'étape d'hier. Aujourd'hui, ça va être compliqué, c'est sûr, d'autant plus que Philippe Gilbert a démontré qu'il était très très bien, très explosif. Il y a toujours des bonifications à l'arrivée. Attention à Gilbert. Merci Laurent, on se retrouve au mur de Bretagne. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci messieurs Laurent Jalabert et Jean-Michel Rascol. En tennis, les demi-finales femmes cet après-midi à Wimbledon. À 14h, la Lettonne, Jelena Ostapenko contre l'Allemande Angélique Kerber. Et à 16h, Serena Williams, l'Américaine, affrontera l'Allemande Julia Görges. Le temps cet après-midi, un ciel couvert et peut-être des averses dans les Hauts-de-France. Quelques nuages également dans l'est du pays, sur les Pyrénées et en Normandie. Les températures cet après-midi midi, 20 degrés à Cherbourg, 24 à Lille, 25 à La Rochelle et Mulhouse, 27 à Nice, 29 à Paris, Perpignan et Ajaccio et 31 degrés à Marseille. Les courses aujourd'hui ont lieu à Longchamp. Les pronostics de Bernard Glace, le 6, le 2, le 11, le 13, le 3, le 8, l'As. Et le 7, la dernière minute de Bernard, c'est le 11. Guanacaste, RTL, il est 10h03. On retrouve tout de suite Bruno Guillon, Caroline Diamant pour la suite du Grand Quiz de l'été. Merci Mélina, bonjour. Enfin, bonjour. Et moi, mon pronostic, c'est que vous êtes en tête pour revenir tout à l'heure à partir de 11h pour les informations sur RTL. Mais juste derrière vous, il y a Caroline Diamant. Caroline Diamant qui, d'une tête, va arriver, franchir à l'arrivée pour attaquer la deuxième heure du Grand Quiz de l'été. Allez, on y va. Bonne matinée et bel été sur RTL. Bonjour, c'est Jacques Pradel. Soutenir les Restos du Cœur, c'est offrir toute l'année une aide alimentaire aux plus démunis. C'est aussi apporter une aide inconditionnelle aux personnes contraintes de vivre à la rue. En allant à leur rencontre via les maraudes, les camions et le bus du cœur, ou en proposant des lieux d'accueil de jour. Alors pour faire un don, rendez-vous sur www.restoducœur.org. On compte sur vous. Avec RTL. RTL. Quel est votre signe ? Christine Haas, Laetitia Nallet. Chaque soir sur RTL, découvrez votre thème astral pour mieux vous connaître. Pour participer, inscrivez-vous au 3210 ou par mail astro2018@rtl.fr. Histoire d'amour, changement professionnel, situation familiale, l'astrologie peut vous aider. Nous vous attendons chaque soir, dès lundi, de 20h à 22h30. Quel est votre signe ? Sur RTL. Chérie, j'ai craqué. Comment ça ? Oh, j'ai pas résisté, j'ai acheté un pot de yaourt. Et alors ? Bah, il était si mignon, si glamour. À ce prix-là, 8 990 euros. Comment ça, 8 990 euros ? Attends, j'ai peur, là. Non, mais je te parle du pot de yaourt. Oh, génial, tu t'es offert ta Fiat 500. Oui. Depuis le temps que t'en rêvais. En juillet, fêtez l'anniversaire 500. Et craquez-vous aussi pour son charme. Fiat 500 est à partir de 8 990 euros seulement. Offre sous conditions de reprise, prime à la conversion gouvernementale et bonus éco-Fiat déduit jusqu'au 31 juillet sur Fiat 500 Pop 1 litre 2. Détails sur fiat.fr. Fiat. Lidl, partenaire de l'équipe Quickstep pour les produits frais. Ah, le patron, vous allez être vert. Ah oui ? Et vert comment ? Ben, vert courgette, hein. Parce que demain et après-demain chez Lidl, le kilo de courgette est à 1,19€. 1,19€ le kilo de courgette ? Mais c'est pas possible ça ! Ah si si ! Et en plus des courgettes origine France grillées au barbecue, eh ben moi je suis fan. Et vous, patron ? Non. Et t'arrêtes de me courir sur le haricot avec ces courgettes, ok ? Parce que là, on est mal. Ouais, très mal, hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Vendu en vrac, catégorie 1, calibre 14-21, origine France. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et tout au long de cet été sur RTL, vous allez pouvoir jouer avec nous entre 9h30 et 11h pour repartir avec des séjours. Des séjours qui vont vous permettre de découvrir en famille le parc Astérix. Vous voulez jouer ? Vous appelez maintenant le 3210. Vous voulez envoyer un SMS ? Oui, vous pouvez également envoyer un SMS. Vous envoyez RTL au 74 900. Et je voyais Nathalie qui, sur la page Facebook, posait cette question. Bonjour, mais comment fait-on pour s'inscrire sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît ? Eh bien, en laissant un message, Nathalie, ça marche sur Facebook, ou alors avec le hashtag RTL Quiz. Et comme par magie, avant 11h, nous pouvons vous appeler pour que vous vous retrouviez en direct à l'antenne avec nous, comme c'est le cas de Rémi tout de suite. Bonjour Rémi. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour Rémi, bienvenue sur RTL. Eh bien merci beaucoup. Vous êtes barman à Saint-Jean-de-Mont ? Oui, c'est ça, ouais. On est en Vendée. Enfin, c'est-à-dire que là, je suis à Saint-Jean-de-Mont parce que je suis en saison. D'accord, oui, vous êtes saisonnier. Mais il faut parler des saisonniers, ceux qui, voilà, se retrouvent notamment sur la côte atlantique ou la côte d'Azur. Pourquoi ? Pour travailler et avoir des relations, somme toute, avec des touristes qui passent dans la région. Voilà, c'est un petit peu le résumé du métier de saisonnier, Rémi. Et là, il sourit en quoi ? Parce qu'il sait que j'ai mis le doigt sur quelque chose. Lui aussi. Rémi ! Oui. Je vais faire mon inspecteur Colombo, mon lieutenant Colombo. D'ailleurs, vous avez fait quoi hier soir ? J'étais au Franco, de La Rochelle. Francofolie de La Rochelle, festival qui a lieu tous les ans. Et alors, hier soir, il y avait Véronique Sanson, je crois, de mémoire. Et ses amis, voilà. Et Calogero, notamment. Exactement. Et Raphaël aussi, très bien. Eh bien, vous savez quoi ? Avant de vous poser les questions, je vous propose qu'on attaque cette nouvelle heure avec 1987. C'est le nouvel extrait de l'album Liberté, chérie de Calogero, qui est déjà triple disque de platine. Tu te souviens, les couleurs. primaire sur les baskets, les crayons dans les cassettes. Je rembobine, tu te souviens, tous ces rêves pleins nos disquettes. À Paris, c'était l'esthète, 1987. C'était rien que 12 mois sur la planète. L'URSS in excess. On chantait I want your sex. Calogero 1987, magnifique année, Caroline, que vous n'avez pas connue puisque vous n'étiez pas née, mais je peux vous dire qu'il s'en est passé des choses en 87. 10h10, c'est RTL. RTL, le grand quiz de l'été. Et donc Rémi qui est avec nous. Rémi, 8 points pour Annie, 6 points pour Marie-Madeleine. Cela veut dire qu'il vous faut 8 points si vous espérez, si vous voulez en tout cas partir en famille au parc Astérix. Oui, je vais essayer, ouais. Des questions que va vous poser Caroline, d'accord. D'accord. Il en faut beaucoup pour avoir 1000 euros. Il faut 10 réponses d'affilée. Okay. Ok. Ça, c'est le petit bonus. Est-ce que vous êtes prêt, cher Rémi? Allez, je suis prêt, ouais. Eh bien, top, chrono, c'est parti. Sur une montre, quel nom porte la petite aiguille qui marque les secondes? La trotteuse. Quel acteur s'est fait connaître grâce à la série Soda? Okay, madame. Quel âge minimal faut-il avoir pour concourir au titre de Miss France? 18 ans. Comment s'appelle le leader du groupe Indochine? Nicolas Sirkis. Quel métier artisanal tire son nom de celui de la ville de Cordoue? La cordonnerie. De quel jeu le snooker est-il une variante? Le bowling. Comment s'appelait le chauffeur du camion dans l'émission C'est pas sorcier? Marcel. À quelle ville fait-on référence quand on parle de la ville lumière? Ville lumière, Rome. Quelle psychanalyste était la mère du chanteur Carlos? Je passe. Quel mot désigne à la fois le courant électrique et du café? Le Mar. À quelle hauteur doit-on le voyage au bout de la nuit? Jules Verne. Quel sport associe-t-on au 15 de France? Le rugby. Et le rugby, c'est une bonne réponse. Les autres sont-elles bonnes? Nous allons voir ça dans quelques secondes. Ne bougez pas, Rémi. Belle matinée sur RTL. Leclerc. Papa, viens voir. Pour les vacances, on a un Leclerc Drive pas loin de la location. Fais voir. Ah ouais, ça c'est génial. On va pouvoir faire les courses depuis la plage, j'adore l'idée. On peut même les faire avant de prendre la route, comme ça t'arrives et paf, les courses sont faites. Trop fort. Profitez pleinement de votre été en commandant vos courses du quotidien directement sur votre lieu de vacances, sur l'application Leclerc Drive ou sur leclercdrive.fr, à retirer dans l'un de nos 650 drives. En quelques clics, les mêmes prix qu'en magasin, on optimise les vacances. Et si en plus t'envoies maman récupérer les courses? Non mais ça va pas, toi. Les artistes RTL, la compile avec Maître Gims et Vianney. Sting et Shaggy, Kimber Rose, Luan, Marc Lavoine, Tom Walker, Pink, David Guetta, les artistes RTL, la bande-son de votre été. On refait la chambre. Face, la cuisine. Pourquoi se limiter à une seule pièce? Chez Saint-Maclou, c'est si simple de trouver de beaux produits. Tout le magasin est en promo. Avec les soldes sur les parquets, vinyle, papier peint, rideaux et un déstockage tapis jusqu'à moins 80%. Et ce week-end, 15 euros de remise immédiate tous les 100 euros d'achat sur tous les autres produits. Il y en aura pour toutes les pièces de la maison. Saint-Maclou, on fait tout pour que ce soit beau chez vous. Offre valable jusqu'au lundi 16 juillet, voire conditions en magasin. Soldes selon date en vigueur dans votre département. Cet été, la pêche aux bonnes affaires continue dans votre géant. Jusqu'au 14 juillet, les 3 dorades royales sont à 7 euros seulement, soit 2,33 euros l'unité. Vous ne rêvez pas, par 3, la dorade royale à seulement 2,33 euros. C'est ça le plus géant des étés. Les prix bas, c'est... Pièces de 300 grammes minimum à 7,78 euros le kilo vendues par 3. Élevées en Grèce et autres pays. Également vendues à l'unité à 3,50 euros hors Corse. Voir les magasins ouverts le 14 juillet sur géantcasino.fr. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Le grand quiz de l'été sur RTL. Et Rémi qui a répondu aux questions de Caroline il y a quelques secondes. Beaucoup de bonnes réponses. Oui, Rémi. Et Caroline peut vous le confirmer. Il faut avoir 18 ans pour participer au concours de Miss France. Absolument. Moi, je l'ai fait à 18 ans et un jour. Ah, et donc Eh ben, je me suis représenté à 18 ans et deux jours, 18 ans et trois jours. Et ça dure comme ça depuis et plusieurs ça fait... années. Le chanteur d'Indochine est bien entendu Nicolas Sirkis. Musique. Quand je suis... Là, on est sur l'Indochine des années 2010, mais hé, hey, s'il vous plaît. Alors, évidemment, il faut voir la vidéo, mais vous savez que la radio s'écoute et se regarde via RTL.fr. J'ai bien le pas de danse de Nicolas. Mais super bien. Mais la mèche est un peu courte pour avoir le petit mouvement de tête. Je sais. Bon, vous avez bloqué sur le billard, qui est une variante du snooker. Le snooker est une variante du billard et non pas du bowling. Marcel, vous l'avez donné dans C'est pas sorcier. Vous savez que pendant très longtemps, ma sonnerie de SMS, quand je recevais un message sur mon téléphone, c'était ça. J'étais fan du... Tout de suite, on retrouve Jamy. Et oui, tout à fait, Fred, j'adore. On a quoi d'autre? On a la ville lumière qui est Paris et non pas Rome. Rome, de mémoire, c'est la ville éternelle. Oui, oui, oui, bien sûr, oui. La psychanalyste, oui. Maman de Carlos, Françoise Dolto. On regrettait Carlos qui a fait les belles heures des grosses têtes. Ah oui. Comme vous le faites aujourd'hui, Caroline. Quel mot désigne à la fois le courant électrique et le café? Ce n'est pas le mar, c'est le jus. Et enfin, Voyage au bout de la nuit. L'auteur, c'est Louis-Ferdinand Céline. Alors, je vous avais dit qu'il vous fallait 8 réponses pour être dans la course pour le parc Astérix. Rémi, vous en cumulez 7. Ce sera donc insuffisant, mais vous repartez avec une montre RTL. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Également, bonne journée à vous, merci. Merci Rémi d'avoir participé. Et c'est donc Annie qui a joué avec nous tout à l'heure à 9h30 qui repart avec le séjour au parc Astérix. Bravo Annie. Alors, en fait, vas-y, chérie. Oh, génial, génial, Bruno. Caroline, merci. Je suis ravie, si vous saviez comme je suis ravie. En plus, c'est là, Caroline, c'est là qu'on chante. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, voilà. Ça, c'est une bonne raison de chanter ça. Annie, vous partez au parc Astérix et comme vous nous le disiez tout à l'heure, en famille, avec vos petits-enfants, je suis ravie de vous offrir ce séjour et je vous embrasse. J'embrasse ma maman, Bruno et Caroline, qui est en pavillon de premier logement à Nivillac, qui s'appelle Léontine Rico. Je sais qu'elle m'écoute. Je l'embrasse. On l'embrasse également et on lui dédie ce morceau de Billy Paul. Voici Your Song. It's a little bit funny. This feeling inside, I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a bigger mansion where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who made potions in a traveling show. I know it's not much, I know it's not much, but it's the best I can do. You gave me your gift, Lord, and I'm gonna sing it for you. And you can tell simple, but that's how it goes. I hope you don't mind. I hope you don't mind what I wrote down in words. Words. How wonderful life is when you're in the world. Talk and kick my shoes off. I'm gonna write it. Ah, et quand il s'arrête, le Billy Paul, je peux vous dire qu'il s'arrête. On a payé pour un morceau de 3 minutes 40 à 3 minutes 41, c'est trop cher, on arrête. Ah, mais il plaisante pas, Billy Paul. Ça ne rigole pas, je peux vous dire. Le Billy Paul est très cher cet été. Billy Paul, Your Song sur RTL. Bonne matinée et bel été avec RTL. Chaque été, c'est la même chose. Je change de rythme, d'alimentation et mon transit se met au ralenti. J'ai trouvé ma solution naturelle avec fruits et fibres des laboratoires Ortis. Des figues et de la rhubarbe pour retrouver un transit régulier. À moi l'été en toute légèreté avec fruits et fibres. Pour profiter de l'offre satisfait ou remboursée, rendez-vous jusqu'au 31 août en pharmacie et sur offrefruitsetfibres.fr. Pour votre santé, bougez plus. Inside Opéra, l'escape game grandeur nature au cœur du Palais Garnier. En famille ou entre amis, tentez de résoudre une série d'énigmes sur les traces du fantôme de l'opéra en explorant les espaces emblématique du Palais Garnier. Inside Opéra, actuellement au Palais Garnier à Paris, avec TF1 et RTL. C'est quoi le nom de cet arbre, papa ? C'est un frêne. Et là, juste à côté, c'est un saule. Et ces plantes qui flottent ? Ce sont des nymphéas. Ils vont bientôt fleurir, c'est la saison. Et là, sur le bord ? Ah là, c'est un vieux bidon en plastique vide, qui devait certainement contenir un détergent. On en trouve beaucoup par ici. Depuis plus de 20 ans, l'opération Nettoyons la Nature aide à protéger l'environnement. Mais il reste beaucoup à faire. Pour y participer, inscrivez-vous avant le 15 août sur nettoyonslanature.leclerc. Ensemble, protégeons notre environnement. Leclerc. Sir Edwards, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais authentique et généreux, et qu'il aurait été élevé dans un fût de chêne. Ou bien, est-ce le whisky, Sir Edwards? Sir Edwards, Sir of Scotland. Nouveau, Sir Edwards Smoky. Légèrement tourbé, intensément écossais. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. RTL. RTL. Le grand quiz de l'été. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et un nouveau séjour au parc Astérix à vous offrir avant 11h sur RTL. Et c'est Léa qui va jouer avec nous ce matin. Bonjour Léa. Oui, bonjour. Bonjour Léa, bienvenue sur RTL. Ah, je suis contente, bonjour. Bonjour Caroline. Ah bah écoutez, nous sommes contents que vous soyez contente. Eh bien moi je suis content que vous soyez contente, qu'elle soit contente. Voilà, hop, qu'est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? La mère Foura peut-être? Elle est contente aussi, tout le monde est content. Léa, vous êtes infirmière et je vois que vous avez des jumeaux. Oui, c'est ça. Alors, des vrais jumeaux, des faux jumeaux, des petites filles, des petits garçons? Non, des faux jumeaux, il y en a un qui a 4 ans, l'autre qui en a 67. Non, c'est des faux jumeaux. Oui. Et voilà, c'est deux petits garçons. Et on peut avoir les prénoms, parce que c'est eux qui partiraient au parc non. Astérix. Ah non, vous ne voulez pas donner les prénoms? Eh ben, si. Ah, d'accord. Il y a Mathis et Léo. C'est très joli en plus. Merci, c'est gentil. Et je suis sincère, parce qu'en général... Quand les prénoms sont vilains, je le dis, c'est ma particularité. Mais là, c'est très joli. C'est marrant, venant de vous, ça m'étonne pas. C'est oui. Bizarre. Bah oui, mais j'ai du mal à dissimuler. Voilà, je ne suis pas dans la dissimulation, que vous voulez. Bon, Léa, vous relancez là une session de jeu. Ça veut dire que vous allez établir le premier score à battre d'ici 11h du matin. D'accord ? Je vous pose les questions, vous me donnez les réponses, si tant est que vous les ayez. Si ça n'est pas le cas, vous passez... pour que je puisse vous poser un maximum de questions et que vous puissiez enchaîner un maximum de réponses. Si ces réponses enchaînées sont bonnes, sachez que 10 bonnes réponses, c'est en plus un chèque de 1000 euros. D'accord, Léa ? Oui, d'accord. Je sais ce que vous êtes en train de faire, Léa. Puisque je fais de la radio depuis 2-3 jours, vous venez de mettre le haut-parleur de votre téléphone de façon à ce que vous puissiez être aidé par quelqu'un à côté de vous. Oui, sauf que... Mon chéri qui est là. Oui, mais sauf qu'à l'antenne, ça va pas, ça d'accord, va pas aller j'ai enlevé, du tout. J'ai enlevé. Voilà. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une brigade de police qui va venir chez vous. Oh, bah oui. Ça se finit très très mal. la fameuse brigade RTL. Donc, passons à côté de ça. Je veux vous éviter ce désagrément. Léa, est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête, Bruno. Top chrono, c'est parti. Dans quelle ville le mannequin piste fait-il pipi sur les touristes? Enfin, devant Bruxelles. Les touristes. Quel nom porte un professionnel qui élève des abeilles? Un apiculteur. Quelle tarte au poireau est une spécialité traditionnelle picarde? La tarte à l'amande. Quel groupe d'humoristes était à l'affiche des Trois Frères? Les Inconnus. Dans quel sport pratique-t-on l'arraché et l'épaulé jeté? L'haltérophilie. Qui était abandonné dans une chanson du groupe Gold en 85? Quelle ville normande rend hommage aux stars hollywoodiennes sur sa promenade des planches? Deauville. À partir de quel âge reçoit-on sa première carte vitale? De 15 ans. Quel programme court a remplacé Scène de ménage sur M6 à 20h25? Je passe. Dans un jeu de cartes traditionnel, quelles figures sont David et César? Les rois. De quelle couleur est la chemise de Lucky Luke? Rouge. Dans quel club de football bleu. Britannique évoluent les joueurs surnommés les Red Devils? Arsenal, le foot. Arsenal, et non, c'était Manchester United. Manchester. Merci. On va faire vos vérifications. Oui, monsieur, la mère Forêt est en train de me faire signe. Quoi qu'il arrive, elle n'aurait pas accepté, ça arrivait trop tard. Terrible, avant d'attaquer forêt. Les vérifications, je me suis permis d'attaquer le questionnaire en disant dans quelle ville le mannequin Peace fait-il pépi sur les touristes. Mais j'ai vécu ça, puisque en fait, il y a quelque chose de très très drôle. C'est donc cette petite statue qui, en fait, est très petite. Hein, quand oui. on la voit, il y a un petit peu une déception, comme quand on voit la Joconde, en fait. C'est pas très très grand. Comme quand on voit la première fois, parfois, le. Oui. Très bien. Et le jour où j'ai vu le mannequin Peace pour la première fois, il y a quelqu'un qui vient vérifier le débit d'eau qui sort par le zizi du petit garçon. Et donc, il s'amusait à mettre le robinet à fond. Et donc, ça arrosait les touristes qui étaient devant. Et voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Donc, c'est pour ça que j'ai dit sur les touristes. Voilà, voilà. Je vois que cette anecdote a vraiment... Mais le studio entier en redemande. Et c'est pour ça que je vais vous laisser la main, Caroline, pour que nous vérifions ensemble les réponses de Léa. La tarte aux poireaux est une spécialité traditionnelle picarde et on l'appelle la flamiche et non pas la tarte flamande. Et rappelez-vous, elle avait un rôle important dans le film Retour chez ma mère de Éric Lavenne. Super bonne votre tour, Camilla. C'est picard, je peux vous dire que c'est du boulot. Hein. Enfin, c'est surtout eux qui le font, le boulot. Hein. Qui ça, eux? Tu l'as faite toute seule? Ben non, maman. De deux choses l'une, soit tu l'as faite, soit c'est picard. Non, mais maman, tu l'as acheté dans le magasin, tu as payé... Tu as ouvert le paquet, tu l'as réchauffé. Tu te souviens de tout ça? Mais qu'est-ce que vous arrive tous aujourd'hui? C'est une flamiche, une tourte picarde. Ah, c'est une tourte picarde de Picardie. Oui. C'est une recette de ma cousine Damien. Damien, c'est bizarre, hein, comme prénom pour une femme. Ma cousine Rose, Damien, en Picardie. Ok. Il était très très drôle ce film, je vous conseille de le revoir pour ceux qui ne l'ont jamais vu. À partir de quel âge reçoit-on sa première carte vitale? Vous avez dit 15 ans, c'était plus 1, 16 ans. Ah. Ah oui, non mais ça arrive, on se souvient plus. Ben. Pour moi c'était hier et je l'ai reçu, elle oh, va bah bien. Oui. Je ne rigole pas. Oui, parce que c'est moi qui donne la réponse. Le programme court qui a remplacé Scène de ménage sur M6 à 20h25 s'appelle En famille. Coucou, c'est nous. Bonjour Brigitte. Ça va maman, mais qu'est-ce qui se passe? C'est votre père. Quoi, papa? Ah papa. Bah tu manges papa? Ça m'en a tout l'air. Bah tu ne nous as pas attendu? On avait dit midi. Il est 12h30. Alors oui, je mange. Non, je vous ai pas attendu. Bah normal, il a l'air mortel le poulet. Bah j'ai le dessert si vous voulez. Hein. Ah oui, mais là mon petit Kader, c'est non. Parce que pour le coup, vous êtes en avance. Avec Tarek Boudali et Charlie Bruno que j'embrasse. Je les embrasse aussi si je les connais, je les connais moins bien que vous. La chemise de Lucky Luke, vous la vouliez rouge, elle était jaune. Ah. I'm long away from home. Voilà, ça m'a jamais plu non plus, Lucky Luke. Mais est-ce qu'il y a, on fera un petit point en milieu d'été, vers début du mois d'août, sur D'accord. les trucs que vous aimez vraiment. Parce que là, j'ai deux cahiers. Alors, j'ai un cahier de 392 pages de ce que vous n'aimez pas. Il me reste une feuille et demie à remplir. Et sur ce que vous aimez, j'ai la page de garde pour l'instant. Alors, j'ai fait une frise avec des dessins, un peu de coloriage. Mais il faudrait au moins un truc. Là, du tac au tac. Vous aimez quoi? Vous aimez les frites. D'accord. Ah, je suis désolé, j'ai pas réussi à penser à autre chose. Bon, on va faire un point, si vous le voulez bien, sur votre score, Léa. Vous venez d'obtenir 7 bonnes réponses. Oh, c'est pas terrible. Hein. C'est pas mal. Oh là là, c'est pas mal. Attendez, c'est pas terrible. Ça va dépendre des autres auditeurs qui vont venir nous rejoindre d'ici 11h. Est-ce qu'ils feront mieux? Je ne sais pas. Pour l'instant, le parc Astérix, c'est possible. Mais ce qui est sûr, c'est que je vous offre une montre RTL. D'accord, Léa? Super, merci beaucoup. Je vous embrasse peut-être à tout à l'heure. Et avant de vous laisser, je vois que vous avez deux passions musicales dans la vie, Jennifer et Zazie. Oui. Eh bien, dans quelques secondes, je vous passerai le nouveau Zazie. Ce sera que pour vous, Léa. Les autres éditeurs d'RTL auront le droit d'écouter. Mais en tout cas, sachez que ce morceau que passera pour que pour vous. D'accord? C'est gentil. Je vous embrasse, Léa. Au revoir. Des bisous, merci Léa. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne matinée et bel été avec RTL.

corps de Zazie qui speed encore et le nôtre aussi. Quel plaisir de retrouver Zazie avec un nouvel album qui va sortir le 7 septembre qui s'appelle Essentiel, Ciel, C-I-E-L, où elle se dévoile quasi nue, cachée par la pochette du disque. Voilà, c'était Speed à l'instant sur RTL. Le grand quiz de l'été sur RTL. Et on va speeder un peu pour pouvoir accueillir des candidats qui vont tenter de repartir avec le séjour au parc Astérix que nous vous offrons avant 11h. Et dans ces candidats, il y a Michel. Bonjour Michel. Bonjour Caroline et Bruno. Bonjour RTL. Bonjour Michel de Zelle. Département de l'Aube, Chapelle de Luce. Chapelle Saint-Luc. Mais je suis pas très très loin. Vous savez, moi, je ne fais que lire ce que nous donnent les standardistes, okay, qui visiblement ont un vrai problème d'audition. Il va falloir qu'on se pose sur ce petit souci. Michel, je vois que vous êtes retraité et vous pouvez profiter un peu de la vie et de ce bel été. Vous avez travaillé, oui, dans quoi avant de profiter de cette retraite, Michel? Eh bien, j'étais bonnetière, surjeteuse, la bonneterie à Troyes, voilà. D'accord, très bien. Bonnetière, vous aimez les randonnées, vous aimez la nature, et vous, oui, aimez jouer. Eh bien, vous savez quoi? C'est ce que nous allons faire maintenant, puisque Caroline va maintenant vous poser des questions. Alors, possibilité pour vous de repartir avec un séjour au parc Astérix. Si d'aventure vous donnez à minima 7 bonnes réponses sur les questions que Caroline va vous poser, vous avez une montre RTL qui, quoi qu'il arrive, sera vôtre. Mais il y a également la possibilité de gagner un chèque de 1000 euros si vous enchaînez 10 bonnes réponses aux questions que Caroline vous donne. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Michel, top chrono, c'est parti. Quel mois de l'année est le plus souvent associé au giboulé? Mars. Sur un podium, en quoi est faite la médaille obtenue par le second? Médaille d'argent. Avec quelle épice fabrique-t-on les traditionnels biscuits de Noël? Le pain d'épices. Comment appelle-t-on le plus petit doigt de la main? Oh là, je passe. Quel acteur incarne Jacouille la fripouille dans Les Visiteurs? Depardieu. Quelle est la couleur de prédilection du peintre Pierre Soulages? Bleu. À Marseille, comment appelle-t-on les criques étroites et allongées où l'on peut se baigner? Oh, je sais pas, le vieux Marseille, je sais pas. Quel rappeur sort l'album Première Consultation en 1996? Oh là, j'ai un trou de mémoire, je sais pas. Quelle est la capitale de l'Inde? Passe. Quelle ancienne speakerine est restée dans nos mémoires grâce à ses fous rires? Anne-Marie Pesson. Mais non! Non pas l'excellente Anne-Marie Pesson qui a fait les belles heures d'RTL, mais Denis Favre. Est-ce qu'on a un petit son de Denis Favre à l'époque? Quel plaisir quand on allumait la télévision de tomber sur Denise. Alors vous avez le choix pour le kaléidoscope. Je vais pas y arriver. Edgar Simard. Edgar Simard. Parfait de rire comme ça. J'ai eu la chance de recroiser il n'y a pas si longtemps que ça Denise Favre sur un tournage d'une émission de télé. Elle ne change pas. Elle est toujours aussi pétillante, aussi belle, aussi pleine d'énergie. Et c'était un vrai plaisir de l'avoir à la télévision, vraiment. Bon, Michel, c'est un vrai plaisir de vous avoir en direct sur RTL. Dans quelques secondes, on revient sur vos réponses. Ne bougez pas. Bonne matinée et bel été avec RTL. Dis donc Patrick Sébastien, c'est l'été sur RTL. Ouais, et c'est que de l'amour. Parce que RTL, c'est que de l'amour. 17, 18, 19, 20... Chérie, qu'est-ce que tu fais? Je compte les saucisses pour les invités. 21, 22... Quels invités? Du barbecue. 23, 24... Mais on n'a pas de barbecue. Oui, mais on a des amis. Et pour le barbecue, en ce moment, chez Weldom et jusqu'au 28 juillet, il y a 10% de réduction en bon d'achat des 60 euros d'achat. Bon, continue de compter, je file chez Weldom. Weldom, ensemble c'est mieux. Voir conditions et magasins Weldom participants sur weldom.fr. The Red Ones, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais riche et complexe, et qu'il aurait été issu d'un assemblage minutieux des meilleurs grains. Ou bien, est-ce le whisky, Sir Edwards? Sir Edwards, Sir of Scotland. Nouveau, Sir Edwards Smoky, légèrement tourbé, intensément écossais. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Elle a conquis le cœur des lecteurs avec Mémé dans les orties et Minute Papillon. Aurélie Valogne est de retour avec Au petit bonheur la chance. Un roman plein d'humour et de tendresse. Au petit bonheur la chance, le nouveau best-seller d'Aurélie Valogne aux éditions Mazarine. Alerte, forte chaleur, tous à votre bouteille de Saint-Yor. En buvant Saint-Yor quand il fait très chaud, vous faites le bon choix pour vous hydrater. Grâce à sa richesse exceptionnelle en minéraux, Saint-Yor est l'eau idéale pour votre corps pendant l'été. Avec Saint-Yor cet été, ça va fort, très fort. Intermarché vous propose d'écouter le prix du jour. Moi, je joue dans une publicité, mais ça va pas, quoi. Je suis au-dessus de ça. Je suis un gros comédien. Non, mais ça va. Dès aujourd'hui, le melon Origine France est à 1,38€. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à samedi dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Melon jaune type Charentais, Origine France, calibre 800-950, catégorie 1. Et si on profitait d'un forfait à petit prix dans toute l'Europe? Moi, avec Orange, j'ai un forfait 30 gigas. Et moi, avec Orange, mon forfait 30 gigas est à seulement 9,99€. Bah, le mien, je peux l'utiliser en Europe pour faire des visios avec mes meufs. Ouais, avec ta mère et ta sœur, quoi. Jaloux. Avec Orange, profitez dans toute l'Europe du forfait mobile Play 30 gigas à 9,99€ par mois pendant un an, puis 24,99€ pour clients open. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 22 août en métropole. 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients conservant leur numéro de mobile. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr. RTL. Le grand quiz. Le grand quiz de l'été. Oui, car comme chaque été, RTL vous propose des émissions originales. Grand quiz de l'été jusqu'à 11h. Et puis à partir de 11h, RTL vous régale. Jean-Sébastien Petit-Demange, Jean-Michel Zeka et l'excellente Loana Belmondo. Bonjour Loana. Bonjour, comment ça va? Ça va très, bien. Très bien. On va parler de quoi entre autres ce matin à partir de 11h, Loana? Je vais être... On parle de quoi? Mais non, vous que vous faites des quiz. Du pigeon. De cochon. On parle de cochon. Bravo Caroline, on va parler du cochon, effectivement. Comment on dit en France? Parce que chez nous, chez les Italiens, c'est pas vraiment quelque chose qu'on emploie comme mode de dire. Tout est bon dans le cochon. Et on va le voir aujourd'hui dans notre émission. Bah, en italien, tout y est boni. Tout est bon, on est... Bien sûr. je suis bilingue, Loana. Il fallait me demander. Mais je l'entends bien, mon cher. Ce sera tout à l'heure à partir de 11h. RTL vous régale tout à l'heure, Loana. Et pour l'instant, Michel qui est en train d'attendre, savoir si oui ou non le parc Astérix va s'ouvrir pour elle et sa famille. Michel, nous revenons sur votre questionnaire. Oui, les giboulées sont associées au mois de mars. Et le groupe Mars dans les années 80. Oui. Bon, ne me regardez pas comme ça, Caroline, je sais. Avec quelle épice fabrique-t-on les traditionnels biscuits de Noël? C'est la cannelle. Le petit doigt de la main. Quand on est petit, on dit c'est le petit rikiki. Et non, c'est l'auriculaire. Christian Clavier et Jacouille la fripouille dans Les Visiteurs et non pas Gérard Depardieu. Imaginez Gérard Depardieu faire ceci. Ça suffit, une table avec nous. Salut Gessneret. Hein, mon Jacouille, tu ne veux pas venir à ce table avec nous? Oh, non, Seigneur Hubert. Eh ben, chez moi, tout le monde mange cette table. Allez, venez, ça me coupe l'appétit. Oh, non, que nenni. Obéis, Marot. Non. Je te l'ordonne. Ça sera plus sympa. En même temps, je ne sais pas pourquoi, mais après un repas bien arrosé, j'imagine bien Gérard Depardieu faire... Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Eh ben, ça ne me choquerait pas. Vous savez quoi? Ça me choquerait pas. Pierre Soulages, sa couleur de prédilection, c'était le noir. Les Calanques de Marseille sont ces criques où l'on peut se baigner. Et puis en 1996, l'album de première consultation était signé Doc Gynéco. Ma mère est née là-bas. Mon père est né là-bas, moi je suis né ici dans la misère. New Delhi est la capitale de l'Inde, ça nous donne, cher Michel, un total de 2 bonnes réponses. Et comme je le dis souvent, c'est facile de jouer en écoutant la radio tranquillement chez soi, dans sa cuisine, dans son salon, dans sa voiture. Mais quand on se retrouve à l'antenne, on est parfois déstabilisé. Je ne doute pas une seule seconde que ça a été votre cas, Michel. Mais je vous offre... Oui, parce que le petit doigt, là, il va me rester. Hein. Évidemment. Sorti du contexte, cette phrase est gênante. Michel, on vous offre une montre RTL. J'ai été contente de participer. Je vous adore tous. Merci. Vous savez quoi? J'étais très content de vous avoir à l'antenne. Je vous souhaite de passer un bel été. Un bel été peut-être en villégiature. Un bel été où vous êtes en train de travailler. Ou peut-être où vous êtes en cure. Ou en cure. Je suis désolé de cet enchaînement. Vraiment. C'est-à-dire qu'au départ, je ne voulais pas le faire et ça m'a échappé. Boys Don't Cry. Smith et les Cure à l'instant sur RTL. Boys Don't Cry. Le grand quiz de l'été sur RTL. Les garçons ne pleurent pas. Quelle hérésie. Celui qui pleure. Moi, je pleure tous les matins. Moi, je pleure quand je vous vois, Caroline. Quand je vois cette prestance, cette délicatesse, ce sourire, ce regard si profond. Je suis ému. Va falloir vous rattraper en termes de compliments, Bruno. C'était très moyen, là. Bon, les derniers candidats pour jouer ce matin pour tenter de repartir avec le séjour au parc Astérix. Tout à fait, c'est Sylvain. Bonjour Sylvain, bienvenue sur RTL. Merci, bonjour à tous. Bonjour Sylvain. Content d'être avec vous. Eh ben, ravi également de vous accueillir. Est-ce que vous êtes infirmier à domicile ou bien vous travaillez à l'hôpital ? Je suis libéral, je suis avec d'autres infirmiers rassemblés à Solliès. Très bien. Est-ce que vous avez déjà pu organiser vos vacances ou les prendre ? Eh non, je travaille là. Bon, je suis dans le Var, mais bon, je travaille quand même. Bah oui, attendez. En plus en septembre, je pense. Oui, mais après travailler dans le Var, excusez-moi de vous le dire, Sylvain, mais enfin géographiquement, il y a pire. Il y a pire, mais c'est le travail quand même. Oui, c'est bien pareil sûr, bien dans sûr. Le Nord ou dans le Sud. Ouais, ben vous dites ça à nous. C'est pareil, le boulot avant tout, attention, et gendarmerie nationale. Vous avez un enfant qui a quel âge, si je puis me permettre ? Il a 6 ans. 6 ans, très bien. Et des amis avec qui vous partirez au parc Astérix. Si vous battez cette bonne réponse, je vous signale également que si vous en enchaînez 10, avec Bruno, on va vous rédiger un joli chèque de 1000 euros cash. Et on vous les souhaite. Eh ben, ça serait beau, ça serait beau. Sylvain, si vous êtes prêt, moi je le suis. Je suis prêt. Très bien, je ne le suis plus. Ça y est, je le suis. Non, mais vous savez, c'est par cycle. Ah, il nous fait du suspense. 1 minute, Sylvain, top chrono, c'est parti. Quelle marque de boisson chocolatée a pour slogan « C'est de la dynamite » ? Infomatkin. Quel nom porte la bague frappée des initiales de celui qui la porte ? La chevalière. D'après le titre d'un film de Gérard Jugnot, qui est simple flic ? Jugnot. Jugnot, simple flic. À la ferme, quel animal peut être de la race bresse gauloise ? La poule. Quel grade militaire donne-t-on aussi au chef d'une équipe de sport ? Capitaine. Dans un célèbre conte, quel enfant plante le haricot magique ? Jacques. En France, lors de quel mois se déroulent chaque année les journées du patrimoine ? Décembre. Mai. Avec quel fruit fabrique-t-on du sirop d'orgeat ? L'amande. Comment appelle-t-on l'épreuve théorique du permis de conduire ? Le code. Quelle chanteuse britannique a fait une reprise du titre Wonderful Life en 2016 ? Pas. Adèle. Quelle est la capitale de l'Équateur ? Quiro ? Non, c'est Quito. Quito. C'est... Quito, ouais. Quito. Je regarde la mer Foura. La mer Foura, elle fait quoi ? Ça veut dire non. On va revenir sur vos réponses. Dans Allez. Quelques secondes, le temps pour Caroline, voilà, la mère Foura, de faire un petit débrief et on vous dit tout ça juste après ça. Bonne matinée et bel été sur RTL. La Poste Mobile présente le grand jeu 100% gagnant. Alors, c'est très simple. Vous avez un numéro de portable. Vous avez gagné jusqu'à 10 ans de forfait mobile. Avec la Poste Mobile, vous êtes sûr de gagner. Rendez-vous sur jeu.lapostemobile.fr ou en bureau de poste. Jusqu'au 18 août, c'est le grand jeu 100% gagnant de la Poste Mobile. Gagnez jusqu'à 10 ans de forfait, même sur le forfait 60 gigas. Modalité de participation sur jeu.lapostemobile.fr. Remis sur le prix mensuel d'un nouveau forfait SIM avec portabilité du numéro métropolitain. Pour les clients La Poste Mobile au 30 juin, voir les gains sur le site du jeu. Bon, c'est la femme qui m'avait dit chez Opel, ils prennent tout ce qui roule 4300 euros pour l'achat d'une Opel Corsa. Bon, je lui ai dit, t'as mal compris. Elle m'a dit si. J'ai dit non. J'ai dit 4300 euros contre un truc qui roule, c'est pas possible. Elle m'a dit si. J'ai dit non. Du coup, l'offre, elle est passée. Et en fait, c'est ma femme qui avait raison. Depuis, avec Mamour, c'est tendu. C'est pourtant vrai. Pendant les German Days, journée allemande jusqu'au 13 juillet, Opel vous reprend tout ce qui roule 4300 euros minimum pour l'achat d'une Corsa 9 en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Oh là, c'est grillé. Pour Lidl ? Pour nous, oui. En ce moment, pendant les jours XXL, ils mettent le paquet sur les pistaches de Californie grillées et salées. 3,57€ le sachet de 300 grammes, dont 20% gratuit. 3,57€ les pistaches ? Tu veux que je me fâche ? Ah oh bah non, c'est pas votre genre, patron. Mais c'est le vrai prix, hein. Tu sais quoi ? On bosse vraiment pour des cacahuètes. Mais je sais, patron, je sais. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 11,90€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Sur RTL. Et Sylvain qui est le dernier candidat de ce matin, Sylvain qui a répondu à mes questions il y a quelques minutes, il lui faut 7 bonnes réponses pour espérer gagner le séjour au parc Astérix. Sylvain, on revient sur vos réponses avec Caroline. Et c'est vrai que vous avez attaqué, j'ai attaqué avec cette question, quelle marque de boisson chocolatée a pour slogan « c'est de la dynamite ». D'ailleurs, c'est de la dynamique, je crois, de mémoire. J'avais en mémoire la barre chocolatée, moi, dans les années 80. Salut, oui, mais il y avait les deux. Et il y avait les deux, oui, c'est vrai. Ça, vous avez eu bon. La suite, Caroline. Oui, le film de Gérard Jugnot, vous vous êtes rattrapé à temps, simple flic. Oui, c'est Gérard Jugnot, mais c'est Pinot, simple flic. Bon, c'est pas tout ça. On va bientôt pouvoir passer à table. Il y a la première fois que je verrai un flic passer à table. T'as pas ta langue dans ta poche, toi. Tu te fais toujours la bouffe pour toi tout seul? Non, des fois, j'ai envie des collègues. Et des femmes, jamais? J'ai des collègues femmes. Mais pourquoi t'es flic? Pourquoi tu te drogues? Pour pas être flic. Eh ben moi, je suis flic pour éviter que des petites connes comme toi se foutent en l'air avec de la cam. C'est pas la peine de se donner du mal. Ensuite, vous avez enchaîné bonne réponse sur bonne réponse. Alors, vous avez beaucoup hésité pour le mois où se déroulent les journées du patrimoine. Oh, il n'a pas hésité, il nous a donné tous les mois de l'année. Donc. Non, mais on vous l'a accordé parce que vous avez terminé sur le mois qui est effectivement le bon, c'est-à-dire le mois de septembre. Eh oui, September. Ça veut dire septembre, c'est fou. Hein. C'est dingue. Il y a un rapport très très très très direct entre le son que vous écoutez et la réponse. Bah là, c'est la réponse. Bah voilà. Alors la chanteuse britannique qui a fait une reprise du titre Wonderful Life en 2016 s'appelle Cathy Melua. Elle est écossaise, il me semble. Magnifique. Et c'est une reprise de Black. Oh là, ça va tellement bien avec l'été, ça. Et si on écoutait un petit extrait de Wonderful Life par Black? Cher Sylvain, oh, j'en ai marre de jouer de la batterie tous les jours, Bruno. Si vous voulez, demain, je vous ferai de la trompette. Sylvain, il fallait 7 réponses pour gagner le séjour au parc Astérix. J'ai envie de vous dire qu'avec 9, vous partez en famille. Oh, super, merci beaucoup. Wow. C'est l'été gaulois au parc Astérix. Vous allez profiter des 45 attractions et spectacles du parc. C'est jusqu'à 22h le parc l'été. Et puis tous les samedis soirs, il y a le ciel vous tombe sur la tête, un spectacle son et lumière unique pour vous mettre en bouche. Moi, je vous conseille d'aller sur parcastérix.fr pour voir des images. Ah, bah, je vais y aller tout de suite. Vous avez un séjour pour 4 personnes, les entrées et 2 jours au parc, nuit à l'hôtel Les Trois Hiboux ou la Cité Suspendue ou dans les hôtels partenaires du parc. Ils prennent en charge également les petits déjeuners et les dîners, cher Sylvain. Eh ben c'est super, merci beaucoup. Ça, j'ai passé un beau mois de septembre en vacances. Eh ben ça fait plaisir, on vous embrasse. Félicitations. Eh ben merci beaucoup. Bon, on va revenir demain. On va revenir demain à partir de 9h30. C'est pas possible comme aujourd'hui alors. Exactement. Et comme nous allons le faire tous les matins de l'été, vous pouvez réagir à l'émission si vous le souhaitez avec le hashtag RTL Quiz. Gentiment. Et puis, hein. Vous pouvez continuer à vous inscrire avec le 3210 où vous envoyez RTL au 74 900. Et puis la page Facebook de l'émission, la seule et unique page Facebook, le grand quiz de l'été. Rendez-vous demain à 9h30 dans quelques instants. RTL vous régale. Jean-Sébastien Petit Demange, la délicieuse Lou Anna Belmondo, sous la houlette de notre belge favori, maintenant on peut le dire. Ah bah oui. Jean-Michel Zeka. Maintenant on peut le dire. Bonjour Jean-Michel. Comment ça va Bruno? Ça va très très bien, en pleine forme. Je vous salue en croate.